ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, donc notre deuxième émission. Alors ce sera la suite de l'interview de la semaine dernière et on va se focaliser cette fois-ci sur les associations, aussi bien locales que plus nationales. Si jamais vous avez raté la première émission, vous pouvez la retrouver sur le blog, le site internet de Vous êtes libre ce soir, www.velcs.info. Alors la première partie expliquait ce qu'est le livre, donc elle est assez intéressante par rapport à celle-ci, on explique les acteurs. Donc voilà, bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer avec, en partant du petit vers le grand, on va partir des associations locales. Alors, depuis quand il y en a et lesquelles? Alors, depuis quand? Je ne vais pas pouvoir répondre, je pense. mais par contre, je peux citer celles qui existent. D'ailleurs, ça permettra peut-être aux gens de mieux s'y retrouver, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut citer le groupe d'utilisateurs de logiciels libres, qui est le Luc Touraine, qui en fait se réunissent une fois par mois au moins, dans un bar à Tours. Et donc, ils ont aussi une liste de discussion sur Internet et les gens qui sont intéressés peuvent du coup voilà, échanger sur le logiciel libre et sur le libre en général avec ce groupe-là. Après, les structures dans lesquelles moi je suis plus investi, donc on peut citer ADETI, donc, qui est une association donc, de Tours, mais qui a aussi des partenariats depuis peu en fait, avec une autre association sur Romorantin, qui s'appelle Solix. Et donc ADETI est particulièrement impliqué dans la promotion de l'informatique libre et des logiciels libres. Donc elle a pu en fait, co-organiser, par exemple, depuis 4 ans, des install parties, des journées consacrées à la promotion du libre sur Tours et la région. Donc ça c'est ADETI, et puis historiquement je peux parler un petit peu et m'attarder sur le collectif Linux en Touraine, donc qui lui aussi co-organisait avec ADETI donc les journées du logiciel libre en Touraine, qui sont devenues l'année dernière le Scola, qui a eu lieu donc, au mois de mars 2009, qui était le salon centre-ouest du libre et des alternatives. Et c'était des journées un peu portes ouvertes qui permettaient au grand public de venir découvrir le libre en général, donc l'informatique, la musique, etc. Et ce collectif avait changé de nom, donc initialement c'était Linux en Touraine, il s'est appelé ensuite Libre en Touraine, pour essayer justement de ne pas se focaliser sur l'aspect purement logiciel et informatique. Et comme c'est un collectif et qu'il n'y a pas de structure et d'existence juridique, on a décidé cette année de créer une association qui s'appellera culturelibre.cc. Si on réduit, en fait, ça se transformera en CLIC avec deux C. Ça sera une association du libre en général, donc pour la promotion de la culture libre et du bien commun, avec la promotion des licences libres, de cette notion d'accès libre au savoir. Et voilà, ça nous permettra d'organiser, alors sans doute pas en 2010, mais sûrement en 2011, un nouveau salon donc, de découverte du libre sur Tours, et puis aussi de participer à des débats, organiser des conférences sur le thème du libre accès au savoir, des biens communs et tout ça. Alors tu nous as parlé au début d'un truc, si j'ai envie de dire, qui s'appelle Install Party. Là c'est dans la partie assez informatique. Est-ce que tu peux expliquer quand même un peu ce que c'est une Install Party? Alors c'est vrai que ça peut faire peur des fois ce petit mot. C'est en fait des personnes qui viennent avec leur ordinateur sous le bras et puis on les aide en fait à franchir le cap et puis à installer un système par exemple GNU Linux sur leur PC portable. Souvent maintenant c'est beaucoup plus pratique, mais aussi les gens qui viennent avec leur tour et puis on leur met un clavier et une souris dessus pour pouvoir le faire fonctionner. Et puis voilà, c'est pour les aider en douceur en fait à découvrir Linux. En général c'est convivial, la bonne humeur est de partie. Voilà, donc l'objectif de ces install parties, c'est pas seulement d'installer Linux, c'est aussi si vous étiez venu l'année dernière, il y avait des crêpes, il y avait un peu de musique libre, c'est aussi l'occasion de discuter puis de faire connaissance. Donc, Libre en Touraine disparaît. Tu nous dis que Click arrive sur la scène, culture.cc. L'objectif, c'est de parler plus à un grand public. C'est ça, c'est-à-dire que du coup, jusqu'ici, quand on disait qu'on était du collectif Libre en Touraine, comme les gens avaient cette notion de Linux en tête, tout de suite, on était rattaché en fait à l'informatique. Et on a vraiment à cœur en fait de promouvoir tout ce qui est cette notion de culture libre, qui va bien plus loin que l'informatique. Même si forcément tout ce qui est support, on reste forcément sur l'aspect Internet, par exemple. Et sans Internet, voilà, ça serait beaucoup plus difficile de faire la promotion des œuvres sous licence libre. Mais voilà, l'objectif, ça sera vraiment d'essayer de démocratiser vraiment les nouveaux usages. Quand on parle de travail collaboratif, par exemple, c'est vraiment des nouvelles attitudes qu'on a de travailler ensemble, d'améliorer quelque chose. Et le libre n'y est pas pour rien dans ces nouvelles démarches. Donc si je résume, Click, un peu moins d'install party, un peu plus de soirée débat. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, donc pour continuer dans la culture libre, on va mettre un petit morceau de musique. Donc, c'est un groupe que j'ai découvert il y a un certain temps qui s'appelle Silencio Apache, qui est un groupe espagnol. Et donc, on va passer la chanson Emotion Violenta. Voilà, donc c'était Emotion Violenta de Silencio Apache, un morceau sous licence art libre. Alors, avant de parler des associations nationales, on va avoir un dernier mot sur un projet en cours, et ce sera un annuaire du libre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'annuaire existe déjà, mais le premier projet qui verra vraiment le jour quand la structure, donc CLIC, culturelibre.cc, verra le jour, c'est l'officialisation d'un annuaire des acteurs du libre en région centre et un petit peu au-delà. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a des structures identifiées qui font vraiment la promotion du libre, mais au-delà de ça, il y a plein d'associations ou des structures, voire des entreprises qui utilisent le libre et qui méritent aussi qu'on parle d'eux. Ne serait-ce que, par exemple, des personnes viennent nous voir, c'est bien les logiciels libres, mais voilà, je voudrais acheter un ordinateur, est-ce que vous pouvez m'aider et me conseiller? Et donc du coup, l'annuaire a tout lieu d'être, puisqu'on peut rediriger vers des acteurs locaux. On va passer aux associations nationales, donc les grosses associations. Alors je ne sais pas par lesquelles tu souhaites commencer. Alors effectivement, il y en a beaucoup, donc on ne pourra pas toutes les citer dans cette émission. On peut déjà partir d'une qui avait fait parler d'elle l'année dernière, qui s'appelle l'April, qui est une grosse association nationale qui avait fait notamment une campagne en fait d'adhésion pour qu'il y ait plus de monde au sein de leur asso, notamment pour avoir un poids en fait, on va dire politique même, puisque c'est une association qui participe à la promotion et à la défense du logiciel libre et qui du coup est amenée à être un interlocuteur privilégié des politiques. Dans le cadre, par exemple, de débats de société, on peut parler du projet de loi Hadopi, par exemple, qui a eu lieu. L'April peut jouer un rôle en fait d'interlocuteur et de position d'acteur du libre pour faire la défense en fait des utilisateurs et dire en fait aux gens qui font les lois, par exemple, de dire attention, il y a quand même des libertés qu'il faut pouvoir conserver, voilà, et d'être un peu garde-fou et attentif à ce qui se peut se faire. Donc ça, c'est l'April. La campagne a bien marché puisqu'ils ont réussi en fait à passer le cap des 5000 adhérents. Et donc, voilà, vous êtes libre d'adhérer complètement à l'association, ne serait-ce que juste pour supporter financièrement l'asso et le salarié qui en fait partie, par exemple. Donc ça, c'est pour l'April. Pour une autre association qui mérite aussi, et qu'on parle en général souvent d'elle assez facilement, c'est Framasoft, qui à l'origine est un annuaire de logiciels libres qui fonctionne sous Windows. Ça vous permet en fait d'avoir sur un seul et même site, vous avez des catégories de logiciels, donc des suites bureautiques, internet, vidéo, multimédia, etc. Et vous retrouvez à l'intérieur de ces catégories des logiciels que vous pouvez installer sur votre poste de travail, donc sous Windows. Ce sont des logiciels libres et ça vous permet de connaître les logiciels, parce que quand on ne connaît pas en fait le nom des logiciels, c'est bien difficile de trouver quel logiciel installer. Si on ne connaît pas que le logiciel libre pour naviguer sur Internet s'appelle Firefox, on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le deviner. Donc voilà pour Framasoft. Il y a pas mal d'autres projets qui gravitent autour de Framasoft, Framablog, Framabook, d'autres peut-être, je ne sais pas, que tu peux expliquer. Framabook, ouais, aussi, la Framakey, qui est en fait une clé USB que vous pouvez aussi embarquer avec vous sur n'importe quel ordinateur où vous allez, et vous retrouvez votre suite bureautique, votre navigateur et tous les favoris qui vont avec. Et du coup, vous pouvez utiliser vos logiciels libres partout avec vous. Effectivement, à la fois sous Windows et maintenant sous Linux, avec une version Ubuntu qui est un système d'exploitation libre. Et le Framabook, en fait, c'est un projet de création de livres qui, souvent, c'est des documentations, par exemple, pour vous aider à utiliser un logiciel en particulier, découvrir Ubuntu, par exemple. Et c'est un livre que vous pouvez acheter, mais qui est distribué sous licence Creative Commons, je crois. Ça sera à vérifier, mais qui vous permet en fait de pouvoir le diffuser autour de vous. Donc vous avez une version téléchargeable, une version PDF, que vous pouvez avoir gratuitement, mais vous pouvez aussi supporter le livre en l'achetant en version papier physique. Et ça me permet de faire une liaison vers un autre projet, parce que c'est, par derrière, c'est une autre structure qui la soutient, qui est ILV, In Libro Veritas. Alors, ce n'est pas une association, c'est une entreprise, mais c'est un éditeur en fait, de livres qui a une plateforme, qui a mis une plateforme en place sur Internet. Et il y a plusieurs volets, mais il y a une vraie maison d'édition, donc vous pouvez acheter des livres sur le site. Et puis il y a une version un peu plus collaborative, plus de partage et de diffusion des œuvres. C'est-à-dire que si vous êtes écrivain, ben, vous pouvez déposer gratuitement votre œuvre sur le site, vous déposez un fichier PDF, et les gens peuvent librement accéder à vos œuvres et respecter les licences que vous leur imposez. Mais c'est en général, ils sont placés sous une licence libre, ce qui vous permet au moins la libre diffusion, et voilà, que vous ayez un maximum de personnes qui puissent accéder à vos livres. Ce qui est tout à fait intéressant, parce que ça permet de montrer comme exemple que des entreprises peuvent vraiment utiliser le libre et fonctionner selon un modèle économique bien défini. On va finir sur ce projet, donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien, merci déjà à Sylvain Audin d'avoir été là, et nous ne le reverrons pas la semaine prochaine. Deux émissions lui auront suffi, et merci de nous avoir écoutés, au revoir. Merci, mais bon, j'essaierai de revenir un autre jour quand même. À bientôt, au revoir.